بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du livre de Aqidat al-Salaf Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni rahimahullah avec les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé dans le chapitre maintenant qui s'intitule « Hukm tarik al-Salah » Amdan, hukm tarik as-salah amdan, c'est-à-dire le verdict de celui qui délaisse la salat volontairement. Et on a expliqué au dernier cours l'importance de la salat, hein, et que c'est quelque chose qui est très très important dans l'islam. C'est le deuxième pilier après témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il ne faut pas que quelqu'un dénigre ou c'est comme si il dévalorise ou bien il dénigre ou bien il prend à la légère ce pilier de la religion. Et ensuite le cheikh il dit wa qala al muallif rahimahullah wa ikhtalafa ahl al hadith fi tark al muslim salat al fard mutaammidan aqulu idha kana ma'thuran bi nisyan aw nawm falyusalliha idha dhakaraha كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي رواية فمن نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظه ومن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فهذا لا يأثم لأنه ليس في النوم تفريط فإذا غلبه النوم وهو حريص على أن يصليها في وقتها ويصليها في الجماعة ولكن غلبه النوم فلم يصليها حتى خرج وقتها فهو معذور وكذلك المسافر يؤخرها لوقت الصلاة الثانية معذور لكن إذا كان مقيما متعمدا لتركها فهذا يكفره كثير من السلف بل روى عبد الله ابن شقيق أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لعظم شأنها. Donc on va traduire juste ce paragraphe. Ici le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh l'imam al-Sabuni, il dit que les ulama du hadith, les gens du hadith ont divergé au sujet de la personne qui délaisse la salat obligatoire volontairement. D'accord? Donc il y a une divergence entre les ulama des salafs et les imams du hadith sur ce sujet. Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, je dis, si la personne est excusée, par exemple, parce qu'il a dormi, ou parce qu'il a oublié, ou parce qu'il a dormi, alors il va prier cette prière lorsqu'il se rappelle. Hein? Et comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit, quiconque a oublié une salah, alors qu'il l'a pris lorsqu'il se souvient. Et il n'y a pas d'expiation pour cela, excepté de la faire quand il se souvient. Dans une autre narration, il est mentionné, c'est rapporté selon Abu Ya'la dans la Musnad et At-Tabarani dans Mu'jam al-Kabir, selon Abi Juhayfa, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, il dit, quiconque a dormi lors d'une salat, hein, alors qu'il l'a pris lorsqu'il s'est réveillé, et s'il a oublié de faire une salat, alors qu'il la fasse lorsqu'il se souvient. Donc, à ce moment-là, cette personne, elle n'a pas de péché, parce qu'elle a fait ça par oubli, et ce n'était pas donc volontaire. Il dit, voilà, ça fait naumi tafrit. Donc, dans le sommeil, il n'y a pas de négligence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Qatada. Il dit ensuite, donc, si la personne, elle a été emportée par le sommeil, et qu'elle avait l'intention sincère, et qu'elle a fait l'effort pour la prier dans son temps, mais qu'elle a dormi, hein, elle voulait la prier en jama'a, mais le sommeil a eu le dessus sur lui, puis il n'a pas fini, il n'a pas fait la salat jusqu'à ce que le temps de cette prière-là soit sorti. À ce moment-là, il est excusé. De même que le voyageur qui retarde la prière jusqu'à la prière suivante, il est excusé. Comme par exemple la personne qui retarde le dhuhr jusqu'à l'asr, ou bien le maghrib jusqu'à l'isha. Hein? Pourquoi il est excusé? Parce qu'il est, il est voyageur à ce moment-là. Toutefois, si la personne elle est résidente, elle est chez elle, elle n'est pas en voyage, et elle fait ça volontairement, c'est-à-dire elle délaisse la salat volontairement, il dit un nombre des salafs déclare celui-là mécréant. Il dit même qu'il a été rapporté selon Abdullah ibn Shaqiq que les sahaba ne considéraient rien parmi les œuvres qu'on délaisse comme étant kufr, excepté le délaissement de la salat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'il considérait comme action que de le délaisser, c'est un kufr, excepté la salat, à cause de la gravité de son importance. Et il mentionne ensuite, il dit « فَتَارِكُ صَلَاتَ الْفَرْضِ عَمْدًا اِخْتُلِفَ فِيهِ اِخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ فَكَفَّرَهُ بِذَلِكَ أَحْمَدْ بْنِ حَنْبَلْ جماعة وجماعة من علماء السلف بل الصحابة أو جمهور الصحابة كما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كفروا تارك الصلاة عمدا وليس أحمد فقط وجماعة لكن كلمة جماعة يمكن أن تشمل عند المصنف جمهور الصحابة وجمهور السلف وجمهور أهل الحديث وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر يعني هي كجدار بين العبد وبين الكفر فإذا ترك الصلاة دخل في الكفر ف يعني فهم فهم أخذوا بهذا الحديث ولهم أدلة أخرى من القرآن ومن السنة في تكفير تارك الصلاة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الكفار فإن تولوا يعني من الكفر ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة فإن تولوا فإن تابوا أي فأنا أظن هنا خطأ فإن تابوا هذا هو يعني من الكفر فإن تابوا من الكفر ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلا تحصل هذه الأخوة في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهم أدلة كثيرة في هذا الباب. Donc on va traduire ce paragraphe. Ici, le cheikh, il explique, il dit donc que la personne qui délaisse une salat volontairement, les ulama du hadith et les ulama des salaf ont divergé à son sujet. L'auteur, l'imam al-Sabuni, il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, ainsi qu'un groupe parmi les ulama des salaf, l'ont déclaré mécréant, l'ont déclaré kafir. Il dit même que des sahaba ou la majorité des sahaba, comme cela est indiqué par la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on a mentionné, ont déclaré kafir celui qui délaisse la salat volontairement. Donc c'est pas seulement l'imam Ahmad et un groupe de ulama, même la majorité des sahaba. Il dit mais la parole ici, un groupe, eh bien il dit ça implique ou ça comprend pour l'auteur un groupe d'entre les sahaba et un groupe d'entre les, ou la majorité des sahaba et la majorité des salaf et la majorité des ulama du hadith. Et il dit ils l'ont considéré comme ayant sorti de l'islam ou comme étant sorti de l'islam à cause de la narration authentique qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit entre le serviteur et le shirk il y a l'abandon de la salat. Donc, quiconque délaisse la salat, il est tombé dans le kufr, ou bien il a fait du kufr. Faqad kafar, il a mécru. C'est-à-dire que l'abandon de la salat, c'est comme si entre le shirk et le serviteur, il y a un mur. Ce mur-là, c'est la salat. si la personne délaisse la salade, c'est comme si le mur s'enlève, donc il tombe dans le coffre. Donc c'est comme une image comme ça que le cheikh a expliqué. Et donc il dit, si donc quelqu'un délaisse la salade, il entre dans le coffre, et les ulama qui ont pris cette position, que celui qui délaisse une prière volontairement, il est kafir, ils ont utilisé comme preuve le hadith qu'on vient de mentionner. Ils ont aussi d'autres preuves tirées du Coran et de la Sunna pour faire le takfir de celui qui délaisse la salat. Et il dit parmi les preuves qu'il mentionne, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tawbah, le verset 11 à propos des kuffars. Il dit فَإِن تَابُوا. Ici, dans l'édition que j'ai, ils ont écrit فَإِن تَوَلَّوْا. Mais ça, c'est une erreur. Parce que le verset, c'est فَإِن تَابُوا. C'est-à-dire, s'ils se sont repentis. Repentis de quoi? De la mécréance. Et qu'ils entrent en islam. Parce qu'un kafir, pour qu'il se repente, il faut qu'il entre dans l'islam. Pour qu'il se repente de la mécréance et du shirk. Donc, quand ils rentrent dans l'islam, il dit, donc, s'ils se sont repentis en acceptant l'islam, en entrant dans l'islam, ils se sont repentis de la mécréance. Ensuite, ils ont établi la salat. Et ensuite, ils ont donné la zakat. Alors, ce sont vos frères en religion. Donc, les ulama, ils ont dit ça. Ça veut dire que si la personne, elle s'est repentie du kufr, en entrant dans l'islam, il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ça ne suffit pas. Il faut qu'il établisse la salat aussi et qu'il donne la zakat. Donc ça, c'est leur argument pour justifier le takfir de celui qui ne fait pas la salat. Et il dit « Ils ne seront pas donc considérés frères en religion, excepté s'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. » Et ils ont beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là. Mais après, le cheikh, il dit « وخالفهم آخرون في تارك الصلاة عمدا كما ذكر المصنف ومنهم الشافعي ومالك والزهري وعدد من علماء الإسلام فقالوا في تارك الصلاة بل في تارك الصلاة وغيرها لا يكفر بتركها إلا إذا جحد وجوبها ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شيئا من الأركان الأربعة جحدا لها وكذلك لو أنكر شيئا من المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإتيان الفواحش كالزنا وغير ذلك من الكبائر المعروفة من الدين بالضرورة بعد بلوغ الحجة وقيامها عليه فهو كافر بالإجماع فمن ترك الصلاة جاحدا لها أو الزكاة جاحدا لها أو الحج جاحدا له أو الصوم جاحدا له فهو كافر بالإجماع ويبقى الكلام في من ترك ركنا من هذه الأركان تكاسلا وتهاونا فهذا اختلفوا فيه فذهب طائفة من السلف ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية إلى أن تارك هذه الأركان الصلاة وغيرها تارك أي واحد من هذه الأركان ولو تكاسلا كافر وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان إلا إذا جحد أما إذا تركها بغير جحود فهو ليس بكافر عندهم ومنهم الشافعي وأكثر أصحابه وكثير من المالكية وكثير من الأحناف وكثير من الحنابلة بأن لا يكفر بترك واحد من هذه الأركان إلا إذا جحد أما من غير جحود لها ويعترف بالوجوب فليس بكافر. Donc on va traduire cette partie puis on explique la suite. Il y a d'autres ulama, d'autres parmi les salaf, ils disent que celui qui délaisse la salat volontairement, comme l'a mentionné l'auteur, comme parmi eux l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik et l'imam al-Zuhri, et d'autres également parmi les ulama de l'islam, ils ont dit, celui qui délaisse la salat hein, même si non seulement la salat, mais la salat ou d'autres parmi les piliers de la religion, il ne tombe pas dans le coffre, ou bien il ne devient pas mécréant pour les avoir délaissés, excepté s'il nie leur obligation. C'est-à-dire s'il renie leur obligation. S'il renie l'obligation, alors là, c'est autre chose. Ça, c'est kafir. Ils sont tous d'accord là-dessus. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne à ce sujet que si quelqu'un délaisse n'importe quel d'entre les quatre piliers de l'islam en reniant son obligation, hein, il devient kafir, selon le consensus. Ou s'il renie quelque chose parmi les interdictions de l'islam, comme l'alcool, ou l'interdiction du porc, ou le fait de faire des turpitudes, comme le zina, hein, la sodomie, ou des péchés comme ça, ou bien des péchés parmi les grands péchés qui sont connus de la religion par nécessité, c'est-à-dire que tout le monde sait que ces choses-là, c'est interdit en islam. Si quelqu'un vient puis il renie ses interdictions, après qu'on ait établi la preuve contre la personne et qu'on ait transmis la preuve, eh bien à ce moment-là, si la personne persiste à renier, alors elle sera considérée comme mécréante selon le consensus des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence sur ça. Donc il dit, quiconque a délaissé donc la salat, hein, en reniant son obligation, ou qui a délaissé la zakat en reniant son obligation, ou qui a renié le hajj, hein, en reniant son obligation, il a délaissé le jeûne en reniant son obligation, n'importe quel de ces piliers là s'il a renié, hein, il a délaissé en reniant son obligation, il est kafir selon le consensus, hein, des musulmans. Et il reste maintenant à parler de celui qui délaisse un pilier parmi ces piliers-là par paresse ou par négligence. Ça, ils ont divergé à ce sujet. Il y a un groupe parmi les salafs, parmi eux l'imam Ahmad, dans une des narrations qui lui est attribuée, il considère que si quelqu'un délaisse un pilier parmi ces piliers-là, que ce soit la salat ou autre, n'importe quel d'entre ces piliers, si on le délaisse, même par paresse, on devient kafir. Tandis qu'il y a d'autres parmi les salafs qui ont considéré qu'il ne devient pas kafir en laissant quelque chose de ces piliers-là, excepté s'il le renie. Excepté s'il renie son obligation. Il dit, tandis que s'il laisse ce pilier, il le délaisse sans renier son obligation, à ce moment-là, il n'est pas kafir selon eux. Et parmi ces savants, parmi ces salafs-là, il y a l'imam Shafi'i et la plupart de ses, hein, de ses contemporains, de ses compagnons. De même que al-Malikiyyah, les savants du Madhab al-Maliki, de l'imam Malik, également al-Ahnaf, ceux du Madhab al-Hanafi, et plusieurs savants parmi les Hanabila, c'est-à-dire les savants du Madhab al-Hanbali, entre autres Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est, disons, le cheikh du Madhab, hein, dans le fiqh. Il dit, bi'annahu, donc ils ont eu la position que celui qui délaisse l'un d'entre ses piliers, hein, eh bien, il ne commet pas un acte de kufr, ne devient pas kafir, excepté s'il a renié cette obligation-là. Il dit, mais si c'est sans avoir renié l'obligation de ces piliers-là, si la personne les a négligés ou les a délaissés, tout en reconnaissant leur obligation, il n'est pas kafir. D'accord. Après le cheikh il dit wa hunak qawlun akhar wa huwa annahu la yakfur illa bi tarki as-salati waz-zakat wa qawlun rabi' wa qawlun akhar rabi' annahu la yakfur illa idha qatala an as-salati waz-zakat. فهذه أقوال العلماء علماء أهل السنة وكلهم مجتهدون وكلهم ينزع بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم. Donc ici le cheikh il dit, il y a une autre position encore parmi les positions des ulama de Ahl Sunna qui disent que quelqu'un ne devient pas kafir en abandonnant un de ses piliers, excepté s'il abandonne la salat ou la et la zakat. Et il y a une quatrième opinion à ce sujet-là, et c'est que il ne devient pas mécréant en délaissant un de ses piliers, excepté si il a délaissé la salat et la zakat et qu'il a combattu pour ne pas la faire. À ce moment-là, ils disent il est kafir. Non. C'est ça. On est arrivé à la preuve qu'eux ils ont mentionnée. Et même plus tard, plus loin, le cheikh il va mentionner d'autres dalil. Il dit adillatul qa'ilina bi anna tarika as-salat la yakfur. OK. Il dit ensuite, Cheikh Rabi hafidhahullah, il dit فهذه أقوال العلماء علماء أهل السنة وكلهم مجتهدون وكلهم. OK, on a dit ça, c'est les positions, les opinions des ulama, les ulama d'Ahl Sunna. Ici, il n'y a pas de position, disons, d'Ahl Sunna et d'autres qui ne sont pas Ahl Sunna. Les quatre positions qu'on a mentionnées sont des positions des ulama d'Ahl Sunna, Salaf. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parmi ceux-là qui fait partie des Mubtadi'a. D'accord? Donc, il n'y a aucun qui fait partie des Khawarij ou qui fait partie des Murji'a ou des gens qui ont dévié. Ça, c'est quatre positions qu'on a mentionnées. Ceux qui disent qu'ils sont kuffar, ceux qui disent qu'ils ne sont pas kuffar, les deux sont de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que à notre époque, il y en a qui sont tombés dans l'extrême, comme on a mentionné à propos des Haddadiyah, et qui vont même jusqu'à dire que ceux qui ne font pas le takfir de ceux qui délaissent la salat par paresse, par exemple, tout en reconnaissant l'obligation de la salat, ils les déclarent des murji'ah. D'accord? Et ils disent ça, c'est des murji'ah. C'est pour ça que les ulama ont dit non, les salafs ne se sont jamais divisés sur ce sujet-là, malgré qu'ils ont des divergences. D'accord? Donc, il dit, tous ces ulama sont des ulama d'Ahl Sunna. Et ce sont tous des mujtahidoun. Ce sont des ulama qui ont atteint le degré d'ijtihad. C'est-à-dire, ils ont les outils et l'aptitude pour être capables d'extraire des textes directement les jugements et les verdicts de la charia. Et avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et ils ont tous des preuves du Coran et de la Sunna pour supporter leur position. Donc il dit وَيُجِيبُ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ تَارِكِ الصَّلَةِ تَكَاسُلًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ الْعَبْدُ وَالشِّرْكِ تَارِكِ الصَّلَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ أَوْ أَشْرَكَ بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر وأشرك وقالوا هذا مثل هذا وبحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد وقالوا هذا نفى عنه الإيمان لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان باتفاق الجميع إلا إذا جحد التحريم وكذلك تارك الصلاة لا يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا إذا جحد الوجوب احتجوا بأدلة من هذا النوع. طيب, ça fait partie des explications que le cheikh mentionne ici. Il dit: les savants qui disent que celui qui délaisse la salat par paresse tout en reconnaissant son obligation. Ils répondent à l'argument que les autres savants qui font le takfir ont mentionné dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, hein, qui est rapporté par Ibn Majah et également yani, par Ibn Nasr dans Ta'zim Qadr al-Salah, rapporté selon Anas ibn Malik, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami', également par l'imam Ahmad et Muslim, ainsi que At-Tirmidhi selon Jabir, بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا اللفظ لمسلم والترمذي الشرك أو الكفر donc يعني أحمد aussi l'a rapporté donc ça c'est le hadith en question qu'il ramène qui dit entre le serviteur le shirk et le kufr il y a l'abandon de la salat quiconque délaisse la salat est donc mécréant donc il a mécru ça, c'est le hadith. Et les ulama qui, eux, considèrent que celui qui délaisse la salat par paresse n'est pas kafir, il ne devient pas mécréant, ils ont expliqué pour répondre à ce hadith-là, hein, ou à la compréhension de ce hadith, qu'il y a également d'autres hadiths qui mentionnent que des choses sont kufr ou sont shirk. Toutefois, ce sont des formes de kufr ou de shirk mineures et non des formes de kufr ou de shirk majeures. Parmi les exemples, le fait de jurer par autre que Allah. Les ulama ont dit, par exemple, quiconque, comme c'est mentionné dans le hadith selon Ahmad et Abu Daoud et Ibn Hibban, selon Ibn Omar et Sheikh al-Albani l'a également authentifié dans Sahih al-Jami', dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par autre que Allah a certes fait le shirk. Hein? Et dans une autre narration, il a dit, il a certes mécru ou fait le shirk. Et cette narration, c'est celle de At-Tirmidhi et de Ibn Awama dans sa Musnad, ainsi que Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Donc, ils disent, si on dit que celui qui jure par autre que Allah, il a fait certes du shirk et que c'est du shirk mineur, hein, parce que celui qui jure par autre que Allah, on dit que c'est un shirk asra, un shirk mineur et non un shirk majeur. Donc, c'est la même chose que l'autre hadith aussi qui dit « Bain al-abd wa shirk tark salat » ou bien « Bain al-rajul wa bain al-shirk wa al-kufr tark salat » C'est la même chose. Hein? C'est un shirk mineur et un kufr mineur. Il y a le hadith aussi qui est rapporté par l'imam muslim et l'imam al-Bukhari. Et là, c'est la narration de celle de al-Bukhari qui est mentionnée. Lorsqu'il dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, c'est-à-dire que la personne qui fait l'adultère, au moment où elle fait l'adultère, elle n'est pas croyante. Et la personne qui vole, elle n'est pas croyante au moment où elle vole. Et la personne qui boit l'alcool, elle n'est pas croyante au moment où elle la boit. Et la personne qui yani, et ainsi de suite. Donc, dans ce hadith, il dit. Cette chose-là, et le cheikh il dit, les ulama ont répondu donc au hadith à propos de celui qui délaisse la salat, ils ont dit c'est la même chose aussi pour celui qui fait les péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné yani à leur sujet d'une certaine façon la négation de la foi, c'est-à-dire ils ne sont pas croyants lorsqu'ils font ces péchés-là. Mais, toutefois, ils disent qu'il ne sort pas du cercle de la foi. Selon l'accord de tous les ulama, ils sont tous d'accord pour dire que le fait que la personne commette ce péché-là, comme par exemple celui qui fait le zina, ou qui vole, ou qui boit de l'alcool, par exemple, il n'est pas croyant au moment où il le fait, dans le sens que sa foi, elle est faible. Sa foi, elle diminue. Hein? Non pas dans le sens qu'il sort complètement de la foi, où il devient mécréant. Les seuls qui ont compris le hadith de cette façon, c'est les khawarij, hein, qui ont fait le takfir de celui qui commet un péché, un grand péché. Et donc, les ulama sont tous d'accord pour dire que celui qui commet ces grands péchés-là, il ne quitte pas complètement la foi ou il ne sort pas complètement de la foi, excepté s'il renie l'interdiction de ces péchés-là. Celui qui renie l'interdiction du péché, il devient kafir parce qu'il a renié, non pas parce qu'il a commis le péché. Il dit ensuite, كَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَةِ. Donc il dit c'est la même chose aussi pour celui qui délaisse la salat. Il ne sort pas de la foi vers le coffre complètement, hein, excepté s'il renie son obligation. Et ils se sont basés sur des preuves de cette catégorie-là. Ça, ça fait partie des arguments de ceux qui ne font pas le takfir de celui qui délaisse la salat. Il dit, Cheikh Rabi, elle continue, il dit, « لَكِنَّ الْمُؤْمِنِ لَا يُخَاطِرْ بِدِينِهِ وَيَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ اخْتَلَفُوا وَيَتَهَاوَنُوا فِي الصَّلَةِ فَيُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحِ الْقَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ فلا بد على المؤمن أن يحافظ على الصلاة ويحافظ على الزكاة ويحافظ على بقية الشعائر فالزكاة إذا منعها عنده إبل ومنع زكاتها يبطح يوم القيامة بقاع قرقر في يوم مقداره 50,000 سنة تمر عليه هذه الإبل تطأه بخفافها وتعده بأنيابها فما بالك بتارك الصلاة هذا تارك الزكاة فكيف بتارك الصلاة وإذا كان ماله ذهبا وفضة يكوى بها في نار جهنم في جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فإذا كان إبلا أو غنما أو بقرا كلها تمر عليه في يوم مقداره 50,000 سنة كلما انتهى آخر أخراها عاد عليه أولاها فالأركان هذه عظيمة جدا والرسول صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإيمان ودعائمه فإذا ذهب عمود البيت سقط البيت فلا ينتفع به كذلك الإسلام فلا بد من الاهتمام بهذه الشعائر العظيمة ولا سيما الصلاة فهذا خلاصة ما قيل في أمر الصلاة والأدلة كثيرة وعظمتها وعظم شأنها وركنيتها في الإسلام وكونها عمود الإسلام وما ورد في الزكاة وأهميتها كذلك ثم سائر الشعائر كما ذكرت لكم أو كما ذكرت لكم حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنهما يعني فلنهتم بهذه الشعائر وغيرها من أمور الإسلام لكن هذه الأمور عظيمة لا يجوز التساهل فيها لأنه في بعض الأقوال إذا تركتها فأنت كافر إذا لم تؤدي الزكاة فأنت كافر في بعض الأقوال وعندهم أدلة على ذلك فكيف بالصلاة فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور والمحافظة عليها. Donc ici le cheikh il explique que le croyant il ne doit pas penser par exemple en disant Allah yani les ulama ils ont divergé sur la salat celui qui la délaisse hein? Alors moi yani comme si en voulant dire ça me dérange pas si je la fais pas c'est pas si grave que ça puisque les savants ont divergé. Le cheikh il dit non, il faut pas négliger la salat avec cette idée là. Il dit c'est possible que la position de la vérité, c'est la position qui est correcte et qui est vraie, ce soit la position et l'opinion de ceux qui disent qu'il est kafir, celui qui la délaisse. Alors, il faut absolument que le croyant fasse des efforts pour préserver sa salat et qu'il la garde. Hein? Il dit de même que la zakat et de même que tous les autres rites de l'islam et les principes de l'islam. Il dit la zakat, si par exemple, il ne la paie pas, sa zakat, alors par exemple qu'il avait des chameaux, il n'a pas payé la zakat de ses chameaux, au jour de la résurrection, hein, ils vont tous marcher sur lui. Hein, le troupeau va marcher sur lui. Hein, ils vont le piétiner dans un jour qui dure 50 000 ans. Ils vont tourner comme ça, en rond, sur lui. Yani avec leurs sabots et tout, ils vont l'écraser. Et avec leurs cornes, si c'est des bœufs ou des vaches. Hein? Donc, si ça, c'est le châtiment de celui qui n'a pas donné la zakat, que dire de celui qui n'a pas fait la salat? Hein? Et il dit, quand il n'a pas payé la zakat de ses biens, de l'or ou de l'argent, il va être brûlé avec des plaques de d'or et d'argent incandescent, c'est-à-dire tellement brûlant là, hein, rouge. Et on va lui écraser avec le front et le dos et les côtés, hein. Et il dit, ça dure une durée de 50 000 ans. Et dans une journée qui vaut 50 000 ans, ça veut dire, yani, subhanallah, s'il avait des chameaux, des moutons ou des vaches, elles vont lui passer dessus pendant 50 000 ans. Un jour qui dure 50 000 ans. Et chaque fois que les derniers ont fini de passer, les premiers reviennent. Et ils recommencent comme ça. Hein? Subhanallah. Donc le cheikh, il dit ça, c'est les piliers, des piliers très, très importants. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait des piliers dans la religion. Hein? Et les principes de la religion et de la foi. Donc ça veut dire que si une maison, elle a plus de piliers, qu'est-ce qui arrive avec la maison? Elle tombe. Hein? Une maison sans poutre, sans piliers, ça ne peut pas tenir. Donc c'est ce qui arrive. Si une personne, il a un islam, et son islam, il n'y a pas de piliers, qu'est-ce qui arrive à son islam? Son islam s'effondre. Hein? Donc il ne va pas en profiter. Et donc la même chose avec la religion. S'il ne fait pas attention, en particulier la salat. Et il dit ça, c'est le résumé donc de qu'est-ce qui a été dit à propos de la salat et des preuves à ce sujet-là, de sa grandeur, de son importance et du fait que c'est un pilier de la religion et tout ça. Ça, c'est, il y en a des nombreuses preuves à ce sujet-là. Parmi les choses également qui indiquent l'importance de la zakat, il y a beaucoup de versets et de hadiths. Et à propos aussi des autres principes de l'islam, on a mentionné le hadith de Ibn Omar. Et le hadith de Omar, hein, le hadith Jibril. Donc, ça veut dire que les musulmans doivent donner beaucoup d'importance à ces aspects-là et à ces adorations-là. C'est très, très important. Et tu dois. C'est pas permis de prendre ça à la légère ou de dire, ah, puisqu'il y a divergence, c'est pas grave. Il y a beaucoup de musulmans comme ça. Ils pensent que s'il y a une divergence sur un sujet, ça veut dire que c'est halal. Ou que quand il y a une divergence à propos de l'interdiction de quelque chose, ça veut dire c'est halal. Ou si c'est la divergence à propos yani d'une question comme celle-là, si tu la délaisses, est-ce que tu es un kafir ou non? Yani, Cheikh Mohamed Aman, il a dit une parole, c'était une parole vraiment, une belle parole qui fait réfléchir. Il a dit, qui est satisfait que sa foi soit une question de divergence? Hein? Qui est satisfait que sa foi devienne une question de divergence, à savoir est-ce qu'il est croyant ou est-ce qu'il n'est pas croyant, hein? Est-ce que toi tu es satisfait que ta foi soit une question de divergence? Donc mets-toi sur le côté qui est certain, c'est-à-dire sur le côté de ceux qui te disent que tu dois faire ta salat et que c'est obligatoire et que si tu la délaisses, tu risques de tomber dans le coffre. Ça, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de ulama, par exemple, en particulier en Arabie Saoudite, ils défendent et ils supportent tous la position de ceux qui disent que celui qui délaisse la salat, il est kafir. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que sinon les gens, ils prennent ça à la légère. Et, oui, donc c'est pour les garder toujours, réveillés sur la gravité et l'importance de cette adoration-là. Pour pas que les gens commencent à prendre ça à la légère pour dire « Ah, mais c'est pas si grave finalement. » Non, c'est très grave. Comment tu vois que des gens, par exemple, jour après jour, ils se lèvent, ils se couchent, se lèvent, ils se couchent, ils se lèvent, ils se couchent. Chaque jour, ils font pas la salat. Du matin jusqu'au soir, ils font pas la salat. Et ils se disent musulmans. Hein? Comment ils en sont arrivés là? Hein? Donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un point d'inconscience ou de négligence qui est vraiment dangereuse pour eux. Et c'est pour ça que le prophète, il dit, « Bain al-rajul wal-kufr wa-shirk tarku s-salah. » Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum s-salah, faman tarakaha faqad kafar. Pourquoi? La différence entre l'homme et le kufr et le shirk, c'est l'abandon de la salat. Pourquoi? Parce que regarde la vie du musulman, puis regarde la vie d'un kafir. Qu'est-ce qui sépare les deux ou qui distingue la vie des deux? C'est la salat. Parce que le musulman, il fait sa salat à chaque moment dans la journée, tandis que le kafir, il ne fait pas. Non. Donc, il reste pas beaucoup. Donc, on va terminer, Inch'Allah. Il dit, « Wa adillatul qailin bi anna tarika as-salat la yakfur kathira minha هذه الآية التي ذكرها المصنف عن يوسف إذ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يعني ترك جحود ورفض للكفر أي يعني كفر بالطاغوت أو كفر بالطاغوت وهذا من أدلتهم أن الترك يطلق ويراد به الجحود وليس مجرد الترك وهذا من أدلتهم ومن أدلتهم أيضا حديث خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا من أدلة من لا يكفر ولكن ليحذر المؤمن أن يكون الراجح قول من يكفر فيجب أن نحافظ على هذه الصلاة ونوصي بها ونتواصى بها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ونحذر من تركها ونذكر نصوص الوعيد فيها والأولى في نصوص الوعيد أن تذكر على طريقة السلف فتذكر أن من يترك الصلاة يكفر ولا تفسرها من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يعني قل الحديث وامشي لأنك عندما تأتي تفسر وتؤول يتجرأ الجهال فيكون أهيب للنصوص أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد على تارك هذا العمل أو على فاعله إن كان حراما فتقول قال رسول الله كذا تخوفه به فهذا يردعه ولكن عندما تأتي بهذه التأويلات فقد يستخف بها بعض الناس نسأل الله العافية. Qu'on disait tout à l'heure. Donc on a terminé le chapitre de Tariq al-Salah. Le cheikh il termine en disant que les gens qui considèrent que celui qui délaisse la salat par négligence ou par paresse, il n'est pas mécréant, leurs preuves sont nombreuses. Parmi les preuves, celles que l'imam al-Sabouni a mentionnées dans le verset dans Surat Yusuf, le verset 37, lorsqu'il dit lorsque Yusuf alayhi salam dit dans Allah azza wa jalla le cite en disant inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun, il dit je délaisse la religion des gens qui ne croient pas en Allah et qui sont mécréants en l'au-delà, qui renient l'au-delà, comme si en voulant dire Yusuf ici quand il dit ça, il dit taraktu non pas dans le sens qu'il délaisse, parce qu'il n'était jamais sur leur religion. Il n'a jamais été sur leur religion. Donc, quand il dit « Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah », il dit « je délaisse ». Il ne dit pas ça dans le sens « je la délaisse ». Il dit ça dans le sens « je renie hein, ». Je renie la religion de ceux qui ne croient pas en Allah et qui sont mécréants en l'au-delà. Il dit donc ça veut dire qu'il refuse, qu'il renie, qu'il rejette la religion de kofr et non pas qu'il a abandonné ou qu'il délaisse. Donc le cheikh il dit ça, c'est une des explications que les ulama ont mentionné, que parfois on voit que le terme taraka il est utilisé dans le but de renier ou de refuser et non pas seulement de délaisser ou d'abandonner. Ça fait partie des ulama des arguments de ces ulama. Parmi les arguments des ulama qui ont mentionné ça aussi, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam et d'autres également, il mentionne un hadith qui est rapporté par Malik dans Al-Muwatta et par Ahmad dans la Musnad, ainsi que Abu Daoud dans son Sunan. Selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Sunan Abi Daoud, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il y a 5 prières que Allah a prescrites pour les serviteurs. Celui qui les fait et qui ne perd aucune d'entre elles par négligence ou bien par par manquement envers les droits de ces prières-là, eh bien, il aura auprès d'Allah une alliance ou un engagement qu'il va le faire rentrer au paradis. Mais celui qui ne les fait pas, ces prières-là, il n'aura pas d'engagement ou d'alliance auprès d'Allah. Si Allah veut le châtier, il va le châtier. Et s'il veut le pardonner, il va le pardonner. » Donc, les ulama qui disent que la personne qui délaisse la salat, il n'est pas kafir, ils utilisent ce genre de hadith. Et le cheikh, il dit ça fait partie des arguments ou des preuves de ceux qui ne font pas le takfir de ceux qui délaissent la salat. Mais il dit, le croyant doit faire attention parce que c'est possible que la position qui est vraie soit celle de ceux qui déclarent mécréant celui qui délaisse la salat. Et il dit ensuite, il termine en disant, il est important donc et obligatoire de préserver la salat et de s'enjoindre aux uns et aux autres de faire la salat. Comme Allah il le dit dans le verset 3 dans Surat Al-Asr, et enjoignez-vous les uns les autres la vérité, et enjoignez-vous les uns les autres la patience et l'endurance. Donc il faut mettre en garde contre le fait de délaisser la salat, et il faut rappeler les textes de la menace à ce sujet-là. Et il dit ce qui est préférable de faire dans les questions des textes de la menace de l'enfer et de la mécréance ou des punitions pour les châtiments et pour les péchés, c'est de les laisser tels que les salafs le faisaient. C'est-à-dire de les mentionner tels quels. Hein? Et il dit, c'est-à-dire que tu mentionnes celui qui délaisse la salat, il est kafir, il devient kafir. Sans l'expliquer, sans donner l'explication détaillée. Ou le hadith qui dit, celui qui jure par autre que Allah, il a fait le kufr ou le shirk. Tu le laisses tel quel. Tu dis le hadith, puis tu l'expliques pas. Il dit, parce que si tu commences à venir donner l'explication, peut-être qu'il y a des ignorants qui vont prendre ça à la légère et puis ils vont se permettre de faire ces choses-là. Parce qu'ils ne réalisent pas la gravité, parce que tu leur as expliqué, puis après eux, ils ne comprennent pas bien qu'est-ce que ça implique. Alors ils disent, ah, finalement, c'est pas grave dans ce cas-là. Hein? Donc ils perdent la peur de ces textes dans leur cœur. C'est comme s'ils n'auront plus peur quand ils vont entendre ça. Toutefois, si tu leur mentionnes la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la menace de celui qui délaisse la salat, hein, ou de celui qui fait un péché, si c'est une chose haram, et tu lui dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, là, il va avoir peur. Et il ne va pas vouloir faire cette chose qui est péché, ou délaisser ce qui est obligatoire. Mais si tu commences à lui donner des explications, puis des détails, il va comme dénigrer ça, ou bien il va prendre ça à la légère, et puis il va pas considérer la chose comme étant importante. Donc, dit le cheikh, Nasrullah al-Afiyah. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les ulama en Arabie Saoudite, eux, ils disent kafir. C'est pour que les gens comprennent que c'est dangereux, que c'est grave. Parce que tu vois, dans beaucoup de pays musulmans, peut-être que les ulama, ils vont pas dire que celui qui délaisse la salat est kafir, mais tu vois par la suite le résultat dans la population, dans les gens. Beaucoup de gens font la salat, mais il y en a beaucoup aussi qui délaissent ou qui négligent. Tu vois? على كل حال صلى الله العافية ونسعيت سيبو اجوردي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Juste un point que je voudrais mentionner avant de terminer, c'est important, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, c'est que il faut pas que des gens prennent cette question pour justifier le fait de yani faire de la fitna ou bien dire par exemple ah un tel il fait pas le takfir de celui qui délaisse la salat par paresse, ça veut dire que ah lui c'est un mourdier, ou bien ah l'autre il fait le takfir de celui qui fait pas la salat, donc ah ça c'est les khawarij. Non, les ulama de la sunna, les imams de la sunna, ils ont divergé là-dessus depuis des siècles, même à l'époque des imams, et ils ne se sont pas divisés là-dessus. Donc on n'a pas le droit d'utiliser ça pour créer de la fitna, en fait, de la division. D'accord? Naam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.